Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, Sabine Audepin lit Tistou les pouces verts de Maurice Druon. Chapitre 6, où Tistou prend une leçon de jardin et découvre du même coup qu'il a les pouces verts. Tistou mit son chapeau de paille pour aller prendre sa leçon de jardin. Monsieur Père avait jugé logique de commencer par là l'expérience du nouveau système d'éducation. Une leçon de jardin, c'était au fond une leçon de terre, la terre sur laquelle nous marchons, qui produit les légumes que nous mangeons, les herbes dont on nourrit les animaux jusqu'à ce qu'ils soient assez gros pour être mangés. La terre, avait déclaré Monsieur Père, est à l'origine de tout. Pourvu que le sommeil ne me reprenne pas, se disait Tistou en se rendant à la leçon. Dans la serre, le jardinier Moustache, prévenu par Monsieur Père, attendait son élève. Le jardinier Moustache était un vieil homme solitaire, peu bavard et pas toujours aimable. Une extraordinaire forêt, couleur de neige, lui poussait sous les narines. La moustache de Moustache, comment vous la décrire ? Une véritable merveille de la nature. Les jours de bise, lorsque le jardinier s'en allait la pelle sur l'épaule, c'était superbe à voir. On aurait dit deux flammes blanches qui lui sortaient du nez et lui battaient les oreilles. Tistou aimait bien le vieux jardinier, mais il en avait un peu peur. « Bonjour, monsieur Moustache, » dit Tistou en soulevant son chapeau. « Ah, te voilà, » répondit le jardinier. « Eh bien, on va voir de quoi tu es capable. Voici un tas de terreau et voici des pots à fleurs. Tu vas remplir les pots avec du terreau, enfoncer ton pouce au milieu pour faire un trou et ranger les pots en ligne le long du mur. Après, nous mettrons dans les trous les graines qui conviennent. » Les serres de Monsieur Père étaient admirables et dignes en tout point du reste de la maison. Sous l'abri des vitres étincelantes, on entretenait, grâce à un gros calorifère, une atmosphère humide et chaude. Les mimosas y fleurissaient en plein hiver. Il y poussait des palmiers importés d'Afrique. On y cultivait des lys pour leur beauté, des tubéreuses et des jasmins pour leur parfum, et même des orchidées, qui ne sont pas belles et qui ne sentent rien, pour une qualité tout à fait inutile à une fleur et qui s'appelle la rareté. Moustache était seul maître dans cette partie du domaine. Quand Madame Mère faisait visiter les serres à ses amis du dimanche, le jardinier, habillé d'un tablier neuf, s'installait sur la porte, aimable et causant comme une pioche. À la moindre tentative de la part d'une de ces dames de toucher aux fleurs, ou seulement d'en respirer le parfum, Moustache bondissait sur l'imprudente et lui disait « Non mais, vous voulez peut-être me les tuer, me les étrangler, me les suffoquer ?» Tistou, en accomplissant la tâche que Moustache lui avait donnée, eut une bonne surprise. Ce travail ne l'endormait pas. Au contraire, il y prenait plaisir. Il trouvait que le terreau avait une bonne odeur. Un pot vide, une pelletée, un trou avec le pouce et le tour était joué. On passait au suivant. Les pots s'alignaient le long du mur. Pendant que Tistou continuait avec beaucoup d'application, Moustache faisait lentement le tour du jardin. Et Tistou découvrit ce jour-là pourquoi le vieux jardinier parlait si peu aux gens. C'est qu'il parlait aux fleurs. Vous comprenez aisément que tourner le compliment à chaque rose d'un massif, à chaque œillet d'un buisson, ne laisse guère de voix le soir venu pour lancer des « Bonne nuit, monsieur » ou « Bon appétit, madame » ou encore des « À vos souhaits » lorsqu'on éternue devant vous. Toutes choses qui font dire de quelqu'un « comme il est poli ». Moustache allait d'une fleur à l'autre, s'inquiétait de la santé de chacune. Alors, la rosetée est toujours gamine, on joue à garder des boutons en réserve pour les faire éclater quand personne ne s'y attend. Et toi, le volubilis, tu te prends pour le roi de la montagne à vouloir t'échapper vers le haut de mes châssis, en voilà des façons. Puis il se tourna vers Tistou et lui cria de loin. Alors, c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? Ne vous impatientez pas, professeur. Je n'ai plus que 3 pots à remplir, répondit Istou. Il se hâta de terminer et alla rejoindre Moustache à l'autre bout du jardin. Voilà, j'ai fini. Bon, nous allons voir ça, fit le jardinier. Ils revinrent lentement, parce que Moustache en profitait. Ici, pour féliciter une grosse pivoine de sa bonne mine. Là, pour encourager un hortensia à devenir bleu. Soudain, ils s'immobilisèrent, ébahis, bouleversés, stupéfaits. Voyons, voyons, je ne rêve pas, dit Moustache en se frottant les yeux. Tu vois bien la même chose que moi? Mais oui, monsieur Moustache. Le long des murs, là, à quelques pas, tous les pots remplis par Tistou avaient fleuri. En 5 minutes. Entendons-nous bien, il ne s'agissait pas d'une floraison timide, de quelques pousses hésitantes et pâles. Non, dans chaque pot s'épanouissaient de superbes bégonias. Et tous ces bégonias alignés formaient un épais buisson rouge. Ce n'est pas croyable, disait Moustache. Il faut au moins 2 mois pour faire des bégonias comme ceci. Un prodige est un prodige. On commence par le constater et ensuite on essaie de l'expliquer. Tistou demanda. Mais puisqu'on n'avait pas mis de graines, monsieur Moustache, d'où viennent ces fleurs? Mystère, mystère, répondit Moustache. Puis brusquement, il prit entre ses mains rugueuses les petites mains de Tistou en disant « Montre-moi donc tes pouces. » Il examina attentivement les doigts de son élève, au-dessus, au-dessous, dans l'ombre et dans la lumière. « Mon garçon, dit-il enfin après mûre réflexion, il t'arrive une chose aussi surprenante qu'extraordinaire. Tu as les pouces verts. »« Verts ? » s'écria Tistou, fort étonné. « Moi, je les vois roses, et même plutôt sales pour le moment. Ils ne sont pas verts. »« bien sûr, tu ne peux pas le voir, reprit Moustache. Un pouce vert est invisible, cela se passe sous la peau. » C'est ce qu'on appelle un talent caché. Seul un spécialiste peut le découvrir. Or, je suis spécialiste et je t'affirme que tu as les pouces verts. À quoi ça sert, les pouces verts? Oh, c'est une qualité merveilleuse, répondit le jardinier. Un vrai don du ciel. Vois-tu, il y a des graines partout, non seulement dans la terre, mais il y en a sur le toit des maisons, sur le rebord des fenêtres, sur les trottoirs, sur les palissades, sur les murs. Des milliers, des milliards de graines qui ne servent à rien. Elles sont là. Elles attendent qu'un coup de vent les pousse vers un champ ou un jardin. Souvent, elles meurent, prises entre 2 pierres, sans avoir pu se changer en fleurs. Mais si un pouce vert se pose sur une de ces graines, où qu'elle soit, la fleur pousse instantanément. Du reste, tu en as la preuve devant toi. Tes pouces ont découvert dans la terre des graines de bégonia, et tu vois le résultat? Crois-moi, je t'envie. Ça m'aurait été bien utile dans mon métier d'avoir les pouces verts. Tistou ne parut pas enchanté de la révélation. « On va encore dire que je ne suis pas comme tout le monde, » murmura-t-il. « Le mieux, » répliqua Moustache, « c'est de n'en parler à personne. À quoi bon éveiller la curiosité ou la jalousie? Les talents cachés risquent toujours de nous attirer des ennuis. Tu as les pouces verts, c'est entendu. Eh bien, garde-le pour toi et que cela reste un secret entre nous. » Sur le carnet de notes remis par Monsieur Père et que Tistou devait faire signer à la fin de chaque leçon, le jardinier Moustache écrivit simplement « Ce garçon présente de bonnes dispositions pour le jardinage. Sabine Autepin, tu as choisi de lire Tistou les pouces verts de Maurice Druon. Alors, c'est un livre, je crois, qui est paru en 57. Tu te souviens à quel âge tu as pu le lire? Moi, j'ai dû le lire vers peut-être 64-65, par là. Tu avais quel âge? J'avais 9 ans. Comment est-ce qu'il a atterri dans tes mains? On te l'a offert? Non, c'était mon frère qui l'avait. Et en fait, quand j'étais petite, il me semble qu'on devait m'acheter des livres de la Bibliothèque Rose. Et puis très vite, on s'est rendu compte que la Bibliothèque Rose, c'était pas exactement ce qui me plaisait. Et en fait, je piquais tous les livres de la Bibliothèque Verte de mon frère. Et puis ensuite, j'ai commencé à lire tous les autres qu'il avait. Et Tistou était là, donc j'ai lu Tistou. Et qu'est-ce qui te plaisait dans l'histoire de Tistou? Bah, c'était très mystérieux, ce petit garçon. Moi, j'ai essayé aussi. J'ai planté mes pouces, mais en vain. Non, mais je me sais pas. C'est drôle parce que quand on a parlé des lectures que je faisais petite et tout ça, j'avais pas de souvenir précis. Et puis brusquement, je me suis souvenue de ça. Donc c'est quelque chose que j'ai relu beaucoup en fait. C'était quelque chose que j'aimais beaucoup comme ça faisait une fonction de comment dirais-je. C'est comme une litanie, une chose qu'on aime bien, qui vous réconforte, qu'on aime bien retrouver, comme un air de musique qu'on aime tout particulièrement, qu'on n'identifie pas forcément, mais qui vous suit comme ça. Chapitre 7. Où l'on confie Tistou à Monsieur Trounadis, qui lui donne une leçon d'ordre. Sans doute le tempérament explosif de Monsieur Trounadis lui venait-il d'une longue fréquentation des canons. Monsieur Trounadis était l'homme de confiance de Monsieur Père. Monsieur Trounadis surveillait les nombreux employés de l'usine et les comptait chaque matin pour s'assurer qu'il n'en manquait aucun. Il regardait à l'intérieur des canons pour voir s'ils étaient bien droits. Il vérifiait le soir la fermeture des portes et souvent travaillait tard dans la nuit afin de contrôler l'alignement des chiffres dans les grands livres de comptes. Monsieur Trounadis était un homme d'ordre. Aussi Monsieur Père avait-il pensé à lui pour poursuivre dès le lendemain l'éducation de Tistou. Aujourd'hui, leçon de ville et leçon d'ordre, cria Monsieur Trounadis, debout dans le vestibule et comme s'il s'était adressé à un régiment. Il convient de préciser que Monsieur Trounadis avait été dans l'armée avant d'être dans les canons, et s'il n'avait pas inventé la poudre, au moins il savait s'en servir. Tistou se laissa glisser le long de la rampe. Veuillez remonter, lui dit Monsieur Trounadis, et descendre par les marches. Tistou obéit, bien qu'il lui semblât inutile de remonter pour redescendre, puisqu'il était déjà en bas. « Que portez-vous sur la tête ?» demanda Monsieur Trounadis. « Une casquette à carreaux. Alors mettez-la droite. » N'allez pas croire que Monsieur Trounadis était un méchant homme. Il avait seulement les oreilles très rouges, et pour un oui ou pour un non, aimait à se fâcher. « J'aurais préféré continuer mon éducation avec moustache, » se disait Tistou. Et il se mit en route à côté de Monsieur Trounadis. Une ville, commença Monsieur Trounadis, qui avait bien préparé la leçon, se compose, comme vous pouvez le voir, de rues, de monuments, de maisons et de gens qui habitent dans ces maisons. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus important dans une ville ? Le jardin des plantes ? Répondit Tistou. Non, répliqua Monsieur Trounadis, le plus important dans une ville, c'est l'ordre. Nous allons donc visiter d'abord le monument où l'on maintient l'ordre. Sans ordre, une ville, un pays, une société ne sont que du vent et ne peuvent durer. L'ordre est une chose indispensable et pour conserver l'ordre, il faut punir le désordre. Certainement, Monsieur Trounadis doit avoir raison, pensa Tistou. Mais pourquoi crie-t-il si fort ? Voilà une grande personne qui a une voix de trompette. Faut-il faire tant de bruit à cause de l'ordre ? Dans les rues de Mirepoix, les passants se retournaient sur eux et Tistou en était gêné. Tistou, ne vous laissez pas distraire. « Qu'est-ce que l'ordre ?» demanda Monsieur Trounadis d'un ton sévère. « L'ordre ? C'est quand on est content ?» dit Tistou. Monsieur Trounadis fit et ses oreilles devinrent plus rouges qu'elles n'étaient d'habitude. « J'ai remarqué, continua Tistou, sans se laisser intimider, que mon poney gymnastique, par exemple, lorsqu'il est bien bouchonné, bien peigné, et qu'il a la crinière tressée de papier d'argent, est plus content que lorsqu'il est couvert de crottes. » Et je sais aussi que le jardinier moustache fait des sourires aux arbres lorsqu'ils sont bien taillés. Ce n'est pas de l'ordre, ça ? Cette réponse ne parut guère satisfaire M. Trounadis, dont les oreilles devinrent encore plus rouges. « Et que fait-on des gens qui sèment le désordre ? » demanda-t-il. « Ils doivent être punis, sûrement, » répondit Tistou, qui pensa que semer le désordre, c'était un peu comme semer ses pantoufles dans sa chambre ou semer ses jouets dans le jardin. « On les met en prison, ici !» déclara M. Trounadis en montrant à Tistou d'un grand geste un immense mur, tout gris, sans une fenêtre, un mur qui n'était pas normal. « C'est ça la prison ?» dit Tistou. « C'est cela, » dit M. Trounadis. « C'est le monument qui sert à maintenir l'ordre. » Ils longèrent le mur et parvinrent devant une haute grille noire, hérissée de pointes piquantes. Et derrière la grille noire, on voyait d'autres grilles noires, et derrière le mur triste, d'autres murs tristes. Et tous les murs et toutes les grilles étaient également surmontés de piquants. Pourquoi le maçon a-t-il mis ses vilains piquants partout ? Demanda Tistou. À quoi cela sert-il ? À empêcher les prisonniers de s'évader. Si cette prison était moins laide, dit Tistou, ils auraient peut-être moins envie de s'en aller. Les joues de M. Trounadis devinrent aussi rouges que ses oreilles. Étrange enfant, pensa-t-il. Toute son éducation est à faire. Et à haute voix, il ajouta. Tu devrais savoir qu'un prisonnier est un homme méchant. On le met donc là pour le guérir de sa méchanceté ? Dit Tistou. On le met là pour l'empêcher de nuire aux autres hommes. Il guérirait sûrement plus vite si l'endroit était moins laid, dit encore Tistou. Ah, il est têtu, pensa M. Trounadis. Tistou aperçut derrière les grilles des prisonniers qui marchaient en rond, tête basse, sans prononcer un mot. Ils paraissaient affreusement malheureux, avec leurs crânes rasés, leurs vêtements rayés et leurs grosses chaussures. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ils sont en récréation, dit M. Trounadis. Eh bien, vrai, pensa Tistou. Si c'est ça leur récréation, comment doivent être leurs heures de classe ? Vraiment, cette prison était trop triste. Il avait envie de pleurer et ne prononça pas un mot pendant tout le chemin du retour. M. Trounadis interpréta ce silence comme un bon signe et pensa que la leçon d'ordre avait porté ses fruits. Néanmoins, il écrivit sur le carnet de notes de Tistou « Cet enfant est à surveiller de près. Il se pose trop de questions. » Tes parents t'achetaient des livres, ils lisaient eux-mêmes ? Oui, ils lisaient beaucoup parce que j'ai eu la chance de vivre avec toujours plein de livres à la maison parce que maman était institutrice et mon père était prof. Donc il y avait plein de livres et puis il n'y a jamais eu de tabou sur les livres. Enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu dire petite, ça c'est pas pour toi. Les livres étaient là. Et donc j'ai lu tôt des choses qui m'étaient pas forcément destinées. Enfin, en tout cas, j'ai lu. C'est assez drôle d'ailleurs quand on relit plus tard des livres qu'on a découverts enfants et où évidemment des tas de choses vous ont échappé. Moi, j'ai lu très tôt Madame Bovary. Et alors, ce qui se passait dans cette calèche, c'était complètement mystérieux. Et plein de livres comme ça. Et alors, plus tard, c'est comme quand on prend un dessin, puis on met des calques et des calques et des calques, et puis tout s'organise différemment, ou se dévoile, enfin, se dévoile. C'est les rideaux se soulèvent les uns après les autres. C'est marrant. Tu lisais beaucoup ? Oui, beaucoup. Oui. Il y avait un moment privilégié pour lire ? Non, tout le temps. Tout le temps. Ça exaspérait d'ailleurs mes parents au bout d'un moment, parce que je lisais à table aussi. Et ça, c'était... C'était mal vu, c'était pas convivial. En te cachant alors ? Non, de façon très grossière. J'avais mon livre là. Non, j'aimais pas l'extérieur quand j'étais petite. J'aimais pas être dehors, j'aimais pas... Enfin, oui, comme ça, l'été. Mais enfin, avec un livre, toujours. Bon, tu dis que tu lisais partout, mais est-ce qu'il y avait un endroit que tu préférais pour lire, pour t'installer ? Non, non. J'allais à l'école assez loin de chez moi. Et ma mère était institutrice dans l'école d'à côté. Donc on faisait le voyage ensemble tous les matins. Et on prenait l'autobus, ça durait assez longtemps. On prenait le 96. Donc je lisais dans l'autobus, je lisais dans le métro ensuite, plus tard. C'était partout. Une petite parisienne, alors. Oui. Ah oui ? Mais j'ai pas de souvenir, je sais pas, sous la couette ou je sais pas quoi, non. Enfin, si l'été, oui. Si j'ai le souvenir de certains après-midi, ça désespérait ma grand-mère parce qu'au lieu de sortir et de prendre l'air, comme elle disait, je restais enfermée dans ma chambre, à bouquiner. Mais enfin, c'est pas lié ni à une maison, ni à des lieux précis. J'ai toujours lu un peu partout, quoi. Chapitre 8. Où Tistou fait un rêve affreux et ce qu'il en résulte. Certes, Tistou se posait trop de questions. Il s'en posait même en dormant. La nuit qui suivit la leçon d'ordre, il eut un épouvantable cauchemar. Bien sûr, les rêves ne sont que des rêves, et il ne faut pas leur accorder une importance exagérée. Mais on ne peut s'empêcher de rêver. Or, Tistou, dans son sommeil, vit son poney gymnastique entièrement rasé et qui marchait en rond entre de grands murs sombres. Et derrière lui, les pursans groseilles la tête rasée eux aussi, habillés de costumes rayés, le pied lourd et traînard dans des bottines ridicules, tournaient sans s'arrêter. Soudain, le poney gymnastique, regardant à droite et à gauche pour s'assurer qu'on ne le voyait pas, prit son élan, bondit afin de franchir la grille et retomba sur les grands piquants de fer. Planté là-haut, il battait l'air de ses quatre chaussures et hennissait lamentablement. Tistou se réveillait en sursaut, le front moite, le cœur battant. Heureusement, ce n'était qu'un rêve, se dit-il bien vite. Gymnastique est à l'écurie, et les purs sangs aussi. Mais il ne parvint pas à se rendormir. Ce qui serait si triste pour des chevaux doit être encore pire pour des hommes, pensait-il. Pourquoi rendre aussi laids ces pauvres prisonniers? Ils n'en deviendront pas meilleurs. Je sais bien que moi, si l'on m'enfermait là, même sans avoir rien fait de mal, je finirais sûrement par être très méchant. Que pourrait-on faire pour qu'ils soient moins malheureux? Il entendit sonner 11 heures, puis minuit au clocher de Mirepoix. Il continuait de se poser des questions. Et soudain, une petite idée lui gratta le fond de la tête. Et si on leur faisait pousser des fleurs à ces gens-là? Cela rendrait l'ordre moins laid et les prisonniers deviendraient peut-être plus sages? Si j'essayais mes pouces verts, j'en parlerais à M. Trounadis. Mais il pensa aussitôt que M. Trounadis deviendrait tout rouge, et il se rappela le conseil de Moustache. Ne pas parler de ses pouces verts. Il faut que je fasse cela tout seul, sans qu'on le sache. La tête devient résolution. Une résolution ne laisse l'âme en paix que lorsqu'on l'a accomplie. Tistou sentit qu'il ne pourrait pas se rendormir avant d'avoir mis son projet à exécution. Il sortit de son lit, chercha ses pantoufles. L'une s'était cachée sous la commode et l'autre se moquait de lui, pendu à la poignée de la fenêtre. Voilà ce que c'est de lancer ses pantoufles en l'air. Tistou se glissa hors de la chambre. Les gros tapis étouffaient ses pas. Doucement, il gagna la rampe, se laissa glisser sur le ventre. Dehors, la lune était pleine. Elle avait gonflé ses deux joues avec de l'air tout neuf. La lune est plutôt favorable aux gens qui se promènent la nuit. À peine aperçut-elle Tistou, dans sa longue chemise blanche, au milieu de la pelouse, qu'elle se donna vite un grand coup de polissoir en se servant d'un nuage qui se trouvait à portée de sa main. « Si je ne veille pas sur ce garçon-là, se dit-elle, il ira finir le nez dans un fossé. » Elle reparut, plus brillante que jamais. Et elle adressa même un message à toutes les étoiles de la Voie lactée, afin qu'elles envoient leurs meilleurs rayons. Ainsi, protégé par la lune et par les étoiles, Tistou, moitié marchant, moitié courant par les rues désertes, arriva sans encombre jusqu'à la prison. Il n'était pas bien tranquille, on le comprend. C'était sa première expérience. Pourvu que mes pouces verts fonctionnent bien, pourvu que Moustache ne se soit pas trompée. Tistou appliqua ses pouces partout où il put, par terre, à l'endroit où le mur s'enfonçait dans le trottoir et dans les trous entre les pierres et au pied de chaque barreau de grille. Il travailla très consciencieusement. Il n'oublia pas les serrures de la porte d'entrée, ni même la guérite où dormait un gendarme. Et quand il eut fini, il rentra chez lui et cette fois s'endormit sans difficulté. Le valet eut même toutes les peines du monde le lendemain matin à le réveiller. « Tisté, voyons, il fit grand soleil !» Le valet Carolus, nous croyons vous l'avoir déjà dit, parlait avec un léger accent étranger. Tistou avait une question sur le bout de la langue, mais il n'osa pas la poser. Il n'eut toutefois pas longtemps à attendre pour connaître le résultat de son entreprise. « Car la prison !» Oh là là, un coup de canon tiré par Monsieur Trounadis sur la grande place de Mirepoix n'aurait pas fait plus de bruit. Imaginez l'effarement de toute une cité devant un pareil prodige. Imaginez la stupeur des Mirepoilus, ainsi se nomment les habitants de Mirepoix, en découvrant leur prison transformée en château de fleurs, en palais des merveilles. Avant 10 heures, la ville entière était au courant de la fabuleuse nouvelle. À midi, toute la population se tenait assemblée devant le grand mur couvert de roses et les grilles changées en charmilles. Pas une fenêtre de la prison, pas un barreau qui ne reçut sa part de fleurs. Les tiges grimpaient, s'enroulaient, retombaient. Des cactus sur la crête des murs remplaçaient partout les affreux piquants. Le plus curieux était peut-être la guérite où le chèvrefeuille avait poussé si vite que le gendarme de garde s'y trouvait immobilisé. Les plantes avaient pris son fusil pour tuteur et bloqué l'entrée. La foule ébahie contemplait ce gendarme qui, pacifique et résigné, fumait sa pipe à l'abri d'une tonnelle. Personne ne pouvait s'expliquer ce miracle. Personne. Sauf, bien entendu, le jardinier Moustache, qui vint voir, lui aussi, et repartit sans rien dire. Mais l'après-midi, lorsque Tistou, ayant remis son chapeau de paille, s'avança vers lui pour prendre sa deuxième leçon de jardin, Moustache l'accueillit par ces mots. « Ah, te voilà, toi. Pas mal, pas mal, le coup de la prison. Pour un début, c'est un joli début. » Tistou se sentit un peu gêné. « Sans vous, monsieur Moustache, je n'aurais jamais su que j'avais les pouces verts, » dit Tistou en manière de remerciement. Mais Moustache n'aimait guère les effusions. « c'est bon, » répondit-il. « Mais tu as abusé du chèvrefeuille. Et puis, fais attention à l'aristoloche. C'est un grimpant qui fournit bien, mais sa feuille est sombre. La prochaine fois, force un peu sur le volubilis. Ça mettra une note de gaieté. » Ainsi, Moustache devint le conseiller secret de Tistou. Ça t'arrive aujourd'hui de raconter des histoires à quelqu'un? De faire la lecture à quelqu'un? Oui, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Ça peut arriver en vacances, ça, quand on... Dans les maisons, c'est ça qui est gai dans les maisons où il n'y a pas de télévision, finalement, c'est que le soir, quand on est tranquille, on peut se faire la lecture à plusieurs en prenant des relais. J'ai un souvenir comme ça avec Nelly Borjo et Christian Rist. On était tous les trois un jour dans une maison et on a commencé à lire les Contes des Mille et Une Nuits. C'était joli. J'aime bien ça. Quand tu remontes très loin, quel est le premier livre dont tu te souviens? Le premier livre dont je me souviens, je pense, c'est très banal, c'est une vieille édition qui avait appartenu à ma maman, des petites filles modèles. C'était Comtesse de Ségur, et je vois encore très bien les illustrations. Et pourquoi tu lisais autant? Parce que je veux dire, l'irascible, c'est... Parce que ça faisait partie de... Parce que les livres étaient là, tout simplement. Peut-être que s'il n'y avait pas eu le livre, j'aurais fait du sport, ou je sais pas, ou... Parce que j'avais une vie tournée plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est un cocon, c'est... Oui, je crois que c'est ça. Parce que j'avais pas beaucoup d'amis non plus. Donc, mes amis, c'était ça, c'était les personnages dans les livres et les histoires qu'ils me racontaient. C'est mon côté contemplatif. Derrière une vitre. Est-ce qu'il y a un livre dont tu pourrais dire? Je peux lire. Oui. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est pas du tout. C'est pas culturel, hein, du tout, parce que en fait, je peux lire. J'ai besoin de lire, quoi. Mais même un mode d'emploi. Dès que j'ai 5 minutes comme ça, je prends un peu. Je sais pas ce qu'il y aurait sur un paquet de cigarettes, je le lirais. C'est complètement. C'est absurde. C'est pas spécialement des choses intéressantes. Est-ce qu'il y a un livre dont tu pourrais dire qu'il t'a changé la vie? Oui, je me souviens, quand j'étais adolescente, j'ai lu un livre de Christiane Rochefort qui s'appelle « Printemps au parking ». Et j'avais adoré ce roman. C'est un roman d'amour, c'est un type qui tombe amoureux d'un jeune mec. Comme ça. Et c'est très beau parce qu'on ne parle jamais ni d'homosexualité, ni... C'est une aventure d'être à être. Et... Ah, je sais pas, ça m'avait énormément touchée, bouleversée, enfin. Je trouve ça magnifique. Première lecture, lecture d'enfance. Tistou les pouces verts, de Maurice Druon, par Sabine Audepin. Bernard Charron, Laurent Lucas, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.